avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au sein de l'extérieur. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, l'Impact joue sa saison demain. L'Impact joue sa saison demain. Ça fait plusieurs semaines qu'on espère une victoire. Le classement est tellement serré, Danny. Quand on regarde le classement, là, on a laissé aller les équipes en haut. Là, on n'était pas loin d'eux. Là, Nashville, Red Bulls et New England, à un moment donné, là, l'Impact aurait pu aller rattraper, aurait pu monter au classement, mais non. Pas capable d'enchaîner des victoires. On remporte une victoire ici, ça, en 3-4 matchs. Et là, on se retrouve en 9e position avec le même nombre de points que le Fire de Chicago, qui ont 23 points aussi. Atlanta, qui est 11e à 22 points. Ça veut dire une victoire assure l'Impact. Un match nul, ont peut-être des chances de passer. Une défaite, ben, je pense que ça va terminer. Parce que s'ils perdent contre DC United a 21 points. Donc, tout de suite en partant, on rattraperait l'Impact. À moins que Chicago, Atlanta et Miami. Écoute, il y a 5 équipes impliquées dans tout ça. Donc, le match est demain à 15h30 contre DC United. J'ose espérer une belle sortie pour les joueurs d'Impact. Ça fait trois défaites en ligne qu'on a. Défensivement, on s'en sort bien. Diop dans les buts est excellent. Maintenant, il manque d'attaque pour aller marquer des buts. Oui, Boyan a des chances. Je pense qu'au niveau de l'attaque, c'est le meilleur joueur ces temps-ci, là, mais il faut que ça rentre aussi. Là. OK. Donc, ça va avoir lieu demain à 15h30. Parlons un peu également de la Ligue des champions. Oui, mais je vais te terminer un peu avec l'Impact. On sait que Raitala a rejoint l'équipe nationale de la Finlande. Je pense qu'il va être là demain, mais après ça, il s'en va jouer avec l'équipe de la Finlande pour les matchs de la Ligue des Nations et les matchs amicaux. Il va aller jouer contre la France. C'est quand même intéressant pour lui. Maintenant, à savoir s'il va être là pour le match de demain, je pense que oui. Puis Raitala, mais il a été très, très contesté. Je regardais sur les médias sociaux là, de l'Impact de Montréal. Ouf, va-t'en en Finlande, puis reste là. Pas capable de faire un centre, pas capable de... Il a été très, très, très contesté. Oui, puis comme tu viens de le mentionner, effectivement, l'Impact va jouer, on a annoncé le match retour de la Ligue des champions. Ouais. On sait que l'Impact s'était qualifié l'année passée quand on avait remporté le championnat canadien en 2019. Alors en 2020, on a entamé l'année 2020, on a réussi à se qualifier jusqu'en quart de finale. Moi, je me souviens, j'étais allé au stade olympique en début de saison. Il y avait un programme double, il y avait un match de la Ligue des champions et le premier match de la saison au stade olympique. Les premiers matchs de Thierry Henry avec l'Impact. Et là, soudainement, on vient d'annoncer la pandémie est arrivée, l'arrêt est arrivé. Et là, on vient d'annoncer le match retour. L'Impact avait subi une défaite de 2-1 contre le club costaricain. Alors là, on s'en va jouer le match retour. Ça va être au mois de décembre. C'est le 15 décembre. Donc, je ne sais pas comment est-ce que... Tu sais, là, on est le coup. On est le 8 novembre, 7 novembre. Le match joue demain. Si l'Impact perd son match éliminé, il faudra garder les joueurs jusqu'au 15 décembre. On va les ramener à Montréal sûrement et repartir pour ce match retour-là en Ligue des champions. Et à moins que l'Impact remporte son match, la série de la Coupe MLS va débuter la semaine prochaine, je crois. Mais ça va être un match de barrage contre l'équipe entre les 7e et 10e position de l'Association Ouest. Et si l'Impact remporte son match retour le 15 décembre, Danny, on va aller jouer contre CD Olympia, c'est bien ça. Et les demi-finales auront lieu le 15-16 décembre, la Ligue des champions CONCACAF, pour se terminer. La finale va se terminer le 22 décembre. Là. Oui. C'est là que ça va se finir là, pour la saison 2020 là, de l'Impact. Là. L'année bizarre 2020 qu'on va appeler. Très, très, très, très bizarre. Il se passe quoi en Europe? Mais il se passe quoi en Europe? C'est la Ligue des champions. Il y a eu des matchs cette semaine. Mm. C'était les troisième journée des Ligues des champions. Ligue des champions en Europe, on sait que c'est la phase de groupe. 8 groupes de 4 équipes, donc 32 équipes. On a un match contre chaque équipe aller-retour, donc une saison de 6 matchs. Et là, on en a 3 de jouer. Par la suite, on va prendre les 2 premiers pour les 8e de finale qui vont se faire en février-mars normalement. En Europe, c'est quand même pas pire, Danny. Le calendrier est pas trop... On a repris quand même assez tôt la saison. Ouais, ben, la Ligue de l'Allemagne, parce qu'on... Ça joue partout. Je regardais, il y avait des matchs en Turquie, il y avait des spectateurs dans les estrades. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui n'y a pas personne, il y a des pays qui a du monde. Quand on parle de monde, c'est quoi? Ben, en Turquie, là, je serais curieux de voir le nombre de personnes qu'il y avait dans le stade. J'ai pas fouillé, là, mais je voyais beaucoup de monde. On parle de la distanciation dans les estrades. Donc, il y a des sièges de vide et il y a des gens avec un poids. Mais quand tu regardes en arrière des buts, par contre, parce que les fans se rassemblent plus encore, j'ai pas trouvé qu'il y avait grande distanciation, là, pour en Turquie, en tout cas, là. Maintenant, tu arrives en Italie, tu arrives en Espagne, il n'y a pas personne dans les estrades, là. C'est là qu'on voit. Même le Real Madrid. En Espagne, France, et Italie, En France, au championnat de, en c'est championnat souvent. de France, il y a des pays, il y a des villes qui a du monde. OK. Il y a des villes qui a du monde. Là, je ne sais pas si ça a été reconfiné pour les stades de football, mais avant, peut-être les zones rouges, il y avait du monde en France. Maintenant, à voir pour la suite. Donc, comme je te disais, on joue la troisième. Les gros rendez-vous de cette semaine, le club champion, le club à surveiller, à mon avis, là, qui a gagné la dernière Ligue des champions, le Bayern de Munich, là, qui a remporté une victoire de 6-2. Ils ont remporté 2-3 victoires de 5-0 en championnat. Donc, le Bayern, ça, là, à mon avis, est la grosse équipe cette année encore. Le Real Madrid qui a battu l'Inter de Milan 3-2. Real Madrid qui joue encore avec ses joueurs qui commencent à être en fin de parcours un peu. Zidane utilise ces joueurs qui l'ont fait gagner ces Ligues des Champions il y a quelques années. C'était difficile à un moment donné en saison pour le Real de Madrid, mais là, ça va mieux. T'as Liverpool qui a gagné il y a 2 ans la Ligue des Champions, qui a gagné une victoire de 5-0 contre Atalanta. La grosse surprise, c'est justement le club turc que je te parlais à Istanbul, qui ont surpris le Manchester United, une victoire de 2-1. T'as le club français de Rennes, qui est quand même un bon club en France, qui a perdu 3-0 contre Chelsea. Barcelone, qui a de la difficulté en Liga espagnole, très dur en championnat pour l'Espagnol, mais en Ligue des champions, une troisième victoire, une victoire de 2-1 contre Kiev. On sait toujours la saga, là, Griezmann, qui a de la misère à s'introduire avec le Barça, c'est pas facile. La Juventus, le retour de Ronaldo, hein, qui a été testé 2 fois positif. Là, il est revenu, une victoire de 4-1 contre un autre club turc. Et le PSG qui a de la difficulté, là, une défaite de 2-1 contre un club allemand. Ça fait que Dani, là, dans le groupe A, c'est Munich et Atlético Madrid qui dominent le groupe. On sait que, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux premiers vont passer en huitième. Dans le groupe B, tu as le Borussia Mönchengladbach, qui est un club qui surprend en Allemagne, qui est devant le Shakhtar Donetsk. Le Real Madrid et l'Inter de Milan sont troisième et quatrième, mais c'est serré dans le classement. On devrait se reprendre. Dans le groupe C, tu as Manchester City et le club de FC Porto au Portugal, qui sont premier et deuxième, qui devraient, selon moi, être les deux premiers. Dans ce groupe-là, tu as le club de l'Olympique de Marseille. Les fans de Marseille sont très, très chauds et sont très déçus de leur club de Marseille, là, qui n'ont pas de victoire. Je pense que ils n'avaient pas fait de la Ligue des champions, ça faisait quelques années. On sait que pour participer à une Ligue des champions, Danny, ça prend un bon classement dans ton championnat l'année précédente. Il faut que tu finisses dans les 2-3 premiers de ton championnat, selon la cote de l'UEFA. Et là, Marseille ont 12 défaites consécutives en Ligue des champions. Alors, le club est très contesté par ses fans. Dans le groupe D, bien, Liverpool et Ajax Amsterdam sont en tête, devraient sortir, selon moi, après les 6 journées. Dans le groupe E, ben, tu as Chelsea et Séville. L'FC Séville, qui est un bon club qui joue bien l'Europe aussi, ça devrait sortir. Dans le groupe F, Borussia Dortmund et la Lazio de Rome, à mon avis, devraient être les favoris pour ce groupe-là. Et dans le groupe G, Barcelone-Juventus. On sait qu'on attendait un rendez-vous avec Ronaldo et Messi, mais Ronaldo avait testé COVID. Le Barça a battu le Juventus au match aller, une victoire de 2-0. Là, au match retour, ça va être dans quelques semaines, fin novembre, on devrait avoir enfin le match Messi-Ronaldo, tant attendu. Ça fait longtemps que ces deux joueurs-là ne se sont pas affrontés, mais ça devrait être les deux clubs qui sortiraient de ce groupe-là. Et le dernier groupe, le groupe H, mais tu as Manchester United qui, malgré sa défaite, est en tête du groupe avec le RB Leipzig, un club allemand. Et tu as le Paris Saint-Germain qui a perdu en finale la Ligue des champions contre le Bayern au mois de août. Là. On va se rappeler de ce résultat-là. Qui tire de la patte un peu, là, mais qui devrait peut-être sortir. Les derniers matchs d'année vont avoir lieu là, milieu novembre et début décembre. Il va rester les matchs 4, 5, 6 pour après ça aller en huitième de finale après en 2021. Là. OK. Ben Benoît Lavoie, c'est un bon clean-up de ce qui se passe du côté du soccer dans le monde entier et ici au Québec. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, Benoît. Oui. Oui, Danny. Puis pour ce qui est de la région, Danny, tu as parlé du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout est en arrêt parce que normalement, il y a eu une saison d'automne. Il y a eu une saison d'automne qui a eu lieu, qui s'est terminée à peu près 2-3 semaines. Juste mentionner un peu les gagnants des saisons d'automne. C'est une des premières fois que l'association régionale faisait une ligue d'automne à cause de la pandémie, justement, la saison qui est partie plus tard. Donc, on a offert une ligue d'automne. Il y a eu moins d'inscriptions, mais ça a permis à ceux qui sont passion soccer de jouer. Il y a eu une ligue de seniors féminin. C'est le Venturi de Saguenay qui a remporté. J'aime les mentionner. Dans la U14 féminin, c'est l'équipe du Boréal Dalma qui a remporté le championnat. Dans le U14 masculin, c'est le Maïka de Saint-Félicien, donc les gars, les petits gars de Saint-Félicien qui ont remporté la Ligue d'automne. Dans les catégories plus jeunes, ben, il n'y a pas de classement. Ça, c'est la fédération qui demande ça. Et là, il y avait une saison d'automne d'hiver qui s'en venait au mois de novembre. Là, l'association régionale attend. Alors, il va y avoir une décision qui va se prendre si ça va être remis en janvier ou elle sera tout simplement annulée pour l'hiver. Cette ligue-là, Danny, elle se joue au centre multisport Mario Tremblay à Alma pour les catégories plus vieilles. Et pour les catégories plus jeunes, ça se joue dans les gymnases, en futsal, dans le Haut-du-Lac, dans le Saguenay et dans le secteur d'Alma. Bon, ben c'est beau. Ça parle, Benoît, ça parle dans 15 jours. Yes, salut, Danny. Notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Saint-Jean.